Chapitre 5e. Lord Macklemore, pressé par ses créanciers, n'épargnait rien pour faciliter le mariage de sa fille avec son cousin, en dépit de l'opposition sourde que j'y mettais. Nous allions fréquemment les uns chez les autres et le dimanche nous réunissions à dîner. Un soir que Harry se tenait avec Miss Ellen dans un petit salon, pendant que je jouais au billard avec Lord Macklemore, nous entendîmes comme le bruit d'une table tombant à terre. Sans faire diligence, car Milord ne permettait pas qu'on le dérangeât lorsqu'il s'exerçait au carambolage, je me dirigeai vers le petit salon. L'unique lampe qui l'éclairait était éteinte et renversée. Miss Ellen gisait inanimée sous le tapis. Harry nous expliqua, mais avec un trouble dont je compris tout de suite la portée, que sa cousine venait de s'évanouir tout à coup et qu'en cherchant un appui sur la table, elle l'avait renversée. Pendant que le flegmatique écossais sonnait un valet et demandait la femme de chambre de sa fille, je l'avais prise dans mes bras et emportée dans son appartement où nous ne tardâmes pas à la voir reprendre ses esprits. Ce n'était qu'un évanouissement qui cependant fut bientôt suivi d'une fièvre violente avec du délire. Les médecins, appelés en hâte, sans se prononcer sur la nature du mal, n'en parurent pas moins inquiets durant plusieurs jours. Harry devenait de plus en plus taciturne et ne quittait presque pas l'hôtel de Lord Macklemore, qui n'eut pas la permission de l'admettre chez sa fille avant une semaine. Le dimanche suivant, nous nous retrouvâmes à dîner, comme d'habitude. Miss Ellen nous fit dire qu'elle nous recevrait. Ses traits étaient crispés et ses belles couleurs de jeunesse faisaient place à une pâleur effrayante. Elle nous reçut avec affabilité, en témoignant par ses paroles qu'elle ne conservait aucune souvenance de son évanouissement et du fait qu'il l'avait provoqué. Cependant, à certains indices, je m'aperçus ce jour-là et les jours suivants qu'il y avait de la retenue, de l'embarras dans ses rapports avec son cousin, dont les attentions affectueuses redoublaient. Au contraire, il ne se contenait plus et laissait voir sa tendresse avec une chaleur toute nouvelle, bien inattendue de sa part. La situation m'apparaissait clairement. En rentrant en cab au cottage acheté depuis peu par Harry, dans un des faubourgs de Londres, celui-ci me déclara avec une décision que je ne l'avais pas encore vue, que son mariage ne pouvait être remis plus longtemps, et qu'il me demandait de n'y pas mettre obstacle. Je n'y songeais nullement, ayant réfléchi sur l'événement et me rappelant chacune des paroles de Lady Fairvale. Je répondis à Harry que son parti étant pris, il fallait précipiter la conclusion de son mariage, et que je l'y aiderais de toutes mes forces, s'il rencontrait des difficultés du côté de sa cousine. Il me prit la main, me remercia avec effusion, en me priant de sonder moi-même les intentions de Miss Ellen, celles de son père n'étant pas douteuses. Lord Macklemore, auquel j'en parlais d'abord, ne me dissimula pas sa joie. Il était à moitié ruiné, et la pensée de voir sa fille devenir pairesse d'Angleterre avec une fortune colossale lui souriait infiniment. Autorisé par lui à faire une ouverture à sa fille, j'en fus reçu avec cordialité, mais l'accent de tristesse qui accompagnait ces raisons, dont la plupart se tournaient contre nos projets, m'impressionna péniblement. « Votre démarche seule, me répondit-elle, indique que ce mariage ne suit pas les voies ordinaires. Je n'ai jamais encouragé mon cousin à m'adresser ses hommages, et je n'en veux pour preuve que son embarras me faire une proposition dont il augure mal. Il ne pouvait choisir un intermédiaire qui m'agrée davantage, mais j'avais rêvé de me marier selon la coutume anglaise, après que mon cœur aurait parlé. Je suis assurément touché de la constance de Harry. J'éprouve pour lui de l'amitié, de l'intérêt. » Mais en descendant au fond de moi-même, j'y trouve une sorte d'aversion. Ce mot jeta du trouble dans ma conscience et ma plaidoirie sans ressenti. Je laissais toutefois Miss Ellen fort ébranlée, et si je n'emportais pas une promesse formelle, je n'essuyais pas un refus définitif. Lord Macklemore se montra sans doute plus éloquent, mettant en avant des arguments matériels qui n'étaient pas à ma disposition et que sa fille dut combattre faiblement, car l'union fut décidée pour le mois anniversaire de la mort de la marquise. On hâta les préparatifs, et bientôt il ne fut plus question dans le High Life que du mariage du jeune Lord Fairville avec sa cousine. La gentry eut vivement désiré que les fêtes du mariage eussent lieu à Londres avant la fin de la saison. Mais Harry préférait la simplicité relative de la campagne, et surtout la solitude de l'Écosse aux somptuosités tapageuses de la ville. On partit donc en août pour l'antique manoir de Macklemore, avec les bijoux magnifiques que Lord Fairville avait commandés aux plus habiles joailliers de l'Europe, avec les dentelles les plus rares, les cachemires les plus riches. Miss Ellen avait fini par accepter l'affection sérieuse de son cousin, les félicitations nombreuses qu'elle avait reçues de ses amis pendant la saison, car il n'est guère de pays où n'est plus qu'en Angleterre le culte du veau d'or, l'y avait disposé. Elle se disait que si son mari n'était pas beau, il rachetait cette disgrâce naturelle par beaucoup de bonté et par une fortune considérable. Le jour du mariage s'annonçait sous les plus heureux auspices. Les membres des deux familles étaient conviés au château, dont Miss Ellen faisait les honneurs avec une grâce aimable et digne. Quant à son fiancé, il habitait avec moi un pavillon situé à l'extrémité du parc que nous quittions le matin pour n'y rentrer que le soir. Le 15 août 1800 et quelques, à 9 heures du matin, Lord Macklemore apparaissait rayonnant sur le perron de son manoir, donnant le bras à sa fille pour la conduire à la voiture qui l'attendait. C'était une grande berline, peinte en jaune, traînée par 4 carrossiers des bords de la Clyde, conduite à la française par un cocher en perruque. 2 valets de pied, en livrée rouge, galonnés aux armes des Macklemore, se tenaient derrière, le stick de gala à la main. Une brillante cavalcade, composée des tenanciers du clan, avec leurs jolis costumes verts et jaunes, et de jeunes gentilshommes du pays, également à cheval, précédait un peu le carrosse de la fiancée. La cérémonie religieuse fut simple, froide et sévère. Miss Ellen, en recevant l'anneau nuptial et en prononçant le oui solennel qu'elle allait lier pour toujours à Lord Fairville, eut quelque peine à dominer le trouble qui l'envahissait. Mais c'était une femme énergique, et je fus le seul, peut-être, à m'apercevoir de la pâleur que son voile blanc dissimulait à l'assistance. J'étais moi-même profondément ému. Depuis quelque temps, le sommeil ne me visitait plus. Je repassais dans ma mémoire les événements auxquels j'assistais et dont j'étais devenu, loin de ma patrie, l'un des principaux acteurs, soumettant ma conscience à un scrupuleux examen. Bien qu'elle ne me reprochât rien, bien que j'eusse constamment écouté sa voix et obéi aux volontés de la pauvre marquise, dont le pieux souvenir ne m'abandonnait pas, je demeurais inquiet sur les suites du mariage de son fils. La cérémonie terminée, une foule considérable de gens de tous âges et de tous rangs se rendirent au château où les Tonnodale et un repas pantagruélique les attendaient. L'air retentissait des cris de « Vive Macklemore et Fairville !» Des décharges de pistolets et de fusils pour donner aux épouses qu'on appelait en Écosse le coup de feu de la mariée indiquaient l'enthousiasme de la foule. La famille et les invités, venus de tous côtés, prirent place à une table magnifiquement servie dans la grande salle du château. Les convives portèrent, avec les vins de France et d'Espagne, des toasts fréquents que les hommes prolongèrent encore pendant que les dames se préparaient au bal. À voir une telle fête, qui eût dit que la majeure partie des terres de Lord Macklemore était engagée chez les prêteurs d'argent. Le côté populaire m'intéressait tout particulièrement, et le repas terminé, je me rendis dans les jardins, sous un vaste berceau formé d'arbres séculaires. Au pied de l'un d'eux se tenaient 3 vieilles femmes singulièrement accoutrées. Elles me rappelaient les 3 parcs de Michel-Ange. Sans en être aperçu, je pus entendre leur conversation. « Croyez-vous, disait la plus âgée, que ces beaux messieurs et leurs belles dames s'inquiètent de nous, qu'ils viendraient s'enquérir si nous avons à souper. Ils pensent moins à nous qu'à la meute de chenil. Mais, Elsie, dit une autre, avouez que vous n'avez jamais vu une si belle noce. Cela est vrai, répondit Winnie. Elle ressemble à celle d'un prince, ce qui n'empêche pas que les créanciers de Milord en payeront peut-être les frais. Qui rit aujourd'hui pleurera demain. Tu as raison, dit Maggie. On pourrait bien prochainement boire ici un écriteau et lire ces mots. « Château à vendre. » Mais Milord aura du moins encore une fois satisfait sa vanité, en traitant seigneur paysan et pauvre. Aussi sommes-nous dispensés de la reconnaissance pour les miettes qu'il nous distribue. Tenez, j'aimerais mieux sentir sur ma joue la peau rude du forgeron de Gretna Green que la main du mari de Miss Ellen. Je ne sais pourquoi le dialogue des 3 sorcières m'impressionna péniblement, mais je m'éloignais de l'arbre où elles étaient installées pour manger et boire, comme on détourne la vue d'un fâcheux présage.